Dis-moi que c'est vrai, que j'ai pas rêvé, qu'un hélico s'est écrasé. Plein d'assassins américains ont grillé comme des petits pains. Et la radio redonne cette chanson un peu conne qui dit que tout ça s'arrangera. Avec le temps ça passera. Pas de pitié pour les gnaquer. Crevons-les tous comme des cochons. Hier il a bien dit, on avait du mardi. Le brave sergent de l'US Army. Et la radio redonne cette chanson un peu conne qui dit que tout ça s'arrangera, qu'avec le temps ça passera. N'oublions pas nos libérateurs qu'on dit des élus. Cœur. Souhaitons-leur bien de réussir avec notre bénédiction, qu'il faut pas se laisser faire par les méchants tout là-bas qui sont très très vilains et menaçants. Faudrait en bombarder quelques-uns. C'était l'Indien qu'avait raison. L'homme blanc qu'avait les canons. Puis on se rend compte que c'est le plus con, que l'on suit tous comme des. La radio redonne cette chanson un peu comme.